بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان اليوم الدين أما بعد Nous sommes toujours dans Kitab al-Sira dans ce livre de Kenz al-Atfal dans ce qui est les choses qui touchent le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم فقال في الدرس التاسع والستين 69e question ou plutôt leçon في السؤال السابع وعشرين بعد أربعمية 407 question ما هي أكبر معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم Quel est le plus grand miracle qui a été accordé au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم Car tous les prophètes sont venus avec des miracles pour pouvoir convaincre les gens. Donc là il parle de ceux de notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم قال ولن القرآن Le livre d'Allah عز وجل qui lui a été accordé كما قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآية عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون Dans le sens où Allah dit Et ils dirent pourquoi n'es-tu pas descendu sur lui les signes de son Seigneur Et dit que les signes ne sont qu'auprès d'Allah Azza wa Jal et je ne suis qu'un avertisseur clair Et ne leur a-t-il pas suffi que nous ayons fait descendre sur toi le livre qu'il aurait récité ? Il y a certes en cela une miséricorde et un rappel pour un peuple qui croit. Al-An Kabout, verset 51, 50 et 51. Et vous savez que le Coran est un livre qui est inégalable dans son éloquence, dans les informations qu'il donne, car il est la parole d'Allah Azza wa Jal incréée. Il est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, les mécréants souvent ont tendance à critiquer ce livre, car ils ne lisent pas déjà en arabe. Déjà, des gens disent, il fut rapporté qu'un des savants, il lui fut dit, dans le Coran, vous avez des contradictions. Il dit, en quelle langue as-tu lu le Coran ? Et il a dit, j'ai lu la traduction du sens dans ma langue. Il dit, lis-le en arabe, tu ne trouveras aucune contradiction. C'est votre langue qui a un problème, ce n'est pas le Coran qui a un problème. Et d'ailleurs, nous avons fait les durus du livre de Cheikh l'imam Al-Shanqiti, Mohamed Al-Amin, qui s'appelle Daf Al-Ittirab, qui justement cite tout ce qui pourrait paraître comme étant contradictoire dans le Coran, et il répond au problème entre le tel verset et le verset, pour ceux qui veulent y retourner. Donc dans le Coran, il n'y a aucune contradiction, cela n'est pas possible. ثم قال في السؤال الثامن وعشرين بعد أربعمية 428e question. اذكر ستا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم cite six des miracles accordés au prophète صلى الله عليه وسلم qu'il en a eu beaucoup mais là il cite parmi les plus connus en premier lieu que la lune se soit fondue la lune s'est fondue والدليل قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر que l'heure s'est rapprochée et que la lune s'est fondue verset 1 et même aujourd'hui les mécréants donnent des images dans lesquelles on voit la lune sur lesquelles il y a une fissure énorme que eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer c'est-à-dire une chose qui est pareil visible sur leurs photos. Voilà le Musta'an. Également les pleurs du tronc du palmier. Comme dans le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع. فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. متفق لا رواه البخاري. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم, avant qu'il n'ait son minbar sur lequel il faisait les khutbah, il s'appuyait sur un tronc de palmier. Et lorsque le minbar lui était accordé pour qu'il puisse faire ses khutab, monter dessus, le tronc du palmier s'est mis à pleurer. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et l'a caressé avec sa main. Et les gens entendaient des pleurs du palmier. ثُمَّ قَالَ نَبْعُ الْمَا مِنْ بَيْنَيَنِ أَصَابِعِهِ وَتَسْبِيحِ الطَّعَامِ De voir l'eau qui jaillissait entre ses doigts et également que la nourriture... Sa nourriture faisait le tasbih, c'est-à-dire glorifier Allah subhanahu wa ta'ala par le rappel. Comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud. Qu'a'alekunna na'uddu al-ayat barakatan. Pour nous, nous considérons les signes comme étant une bénédiction d'Allah. Wa antum ta'udunaha takhwifan. Et vous les voyez comme étant une cause qui effraie. Kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Faqal al-ma. Donc là, l'eau s'est retrouvée manquante. Il n'y a pas assez d'eau. Faqala utlubu fadlatan min ma. Il dit cherchez un petit fond d'eau, un petit peu d'eau. Faja'u bi ina'in fihi ma'un qalilun fa adkhala yadahu fil ina'. Donc il vient avec un récipient contenant un peu d'eau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entre à sa main et puis il dit Hayya ala tuhur al-mubarak. At-tuhur al-mubarak. Wa al-barakatu min Allah. Il dit allez accourir vers la purification qui sont mubarak. Et cette baraka vient d'Allah azza wa jal. قال ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمعه تصبيح الطعام وهو يأكل وهو يأكل بل. Il dit nous avons vu l'eau jaillir entre les doigts du prophète صلى الله عليه وسلم. Là c'était vraiment un miracle qui était apparent qu'ils ont tous vu. Et il dit nous entendions la nourriture qui glorifiait Allah عز وجل qui faisait le tasbih alors qu'elle était en train de se faire manger. Et le hadith rapporté par le Bukhari. Après quand là, le bras, on va dire la patte de brebis qu'il a mangée, elle lui a parlé. Dans le hadith de Jabir, qu'une Yahoudia, parmi les gens de Khaybar, avait empoisonné une brebis. Et l'a donné en cadeau au prophète Mohammed pour qu'il mange. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam az-zira, fa'akala minha akla rahtun, wa akala rahtun, min ashabuhu ma'am. Donc il a dit que le prophète a accepté d'elle, ce qui prouve qu'il est permis d'accepter la nourriture des gens du livre, et il est connu que les gens du livre, surtout les Yahouds, égorgés selon le rite légiféré. C'est pour ça qu'il a mangé de leur nourriture, sinon on ne mangerait pas. Donc le prophète a pris la pâte, il en a mangé un bout, et certains de ses compagnons ont mangé avec lui. Il a dit, enlevez vos mains de cette nourriture. Donc après il a convoqué cette juive. Il a dit, as-tu empoisonné cette brebis, ou cet animal? Elle a dit, qui t'en a informé? Man akhbarak? Qala akhbaratni hadhihi fi yadi al-zira. Il a dit, c'est cette patte qui m'en a informé. Donc là, elle a reconnu, elle a dit, na'am, elle a avoué. Puis elle a dit, elle s'est dit en elle, elle s'est excusée en disant, je me suis dit, in kana nabiyyan falan yadurrahu. Il a dit, si jamais c'est un prophète, ce poison ne touchera en rien car il sera informé. Et si jamais ce n'est pas un prophète, ce poison le tuera et nous débarrassera de lui. Il a dit que le prophète l'a gracié, il lui a pardonné et ne l'a fait subir aucune sentence pour cela. Et certains des compagnons qui ont mangé avec lui de cet animal sont morts. Ils en sont décédés. واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من اجل الذي اكل من الشاه et le prophète صلى الله عليه وسلم a fait une hijama, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ventouses qui aspirent le sang mauvais dans son dos pour ce qu'il avait mangé comme poison. نعم. Et le hadith rapporté par Abu Daoud. Quatrième Taklim al-Sibar wal-Hayouanat. Que les animaux lui parlaient. Ou plutôt, ça c'est le sixième. Alors, en fait, ils sont six en citant la lune. Et après l'auteur, en a cité cinq autres. Non, donc celui-là c'est le cinquième. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment dire, qui passa vers un jardin ou un mur des gens des Ansar, faisait Jamalun kod atahu fajar jara, et qu'un chameau s'est rendu auprès de lui et se mit à grogner. Fazrafat aynahu, et qu'il s'est mis à pleurer. D'ailleurs, le chameau s'est mis à pleurer. Kale bahzun wa affalun falamara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam hanna wa zarafat aynahu. Il a dit que lorsque le chameau a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à sangloter. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صراته وزفراه فسكن et que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a caressé le dos et de là il s'est calmé le chameau. فقال من صاحب الجمل, il a dit qui est le propriétaire de ce chameau. فجافت من الأنصار, et là un jeune garçon des Ansar s'est présenté. فقال هو لي يا رسول الله, il a dit ce chameau m'appartient au messager d'Allah. فقال أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك من ملككها الله إنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤذبه. Il a dit, ne vas-tu pas craindre Allah dans cet animal que Allah t'a fait posséder, car il s'est plaint auprès de moi que tu l'as affamé et que tu l'as accablé. Le hadith apporté par l'imam Ahmed. Donc là, ce sont des miracles qui ont été accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a plein d'autres. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Quand même. Parce que la fille est d'accord avec lui. Walhamdulillah.